Le danger annoncé est situé à proximité du panneau, réponse A, à 50 mètres environ, réponse B, à 150 mètres environ, réponse C.